Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci au réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, IFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et aussi CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario, Envoil 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions ou contacts d'artistes, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Allons-y avec la deuxième heure, deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario, avec des chansons qui parlent de fierté et de combat franco-ontarien. On sait qu'on avait perdu notre université de l'Ontario français. Eh bien, à force de se battre et de garder le cap, on a réussi à revoir une entente de signer pour l'Université de l'Ontario français. Donc, on va entendre dans quelques instants un règlement 17 et le flow franco avec tout simplement savoir se battre, très bonne pièce, très rock'n'roll, avec l'idée de revendiquer qu'on a droit à notre place. Donc ça s'en vient dans quelques instants. Ça sera suivi d'une nouveauté de Monette, Un peuple debout. Monette, il y a un nouvel album qui s'en vient très très bientôt. La première pièce, excellente, vous allez voir, intéressant. Mais pour l'instant, voici Règlement 17, le flow franco. Conscience, insolence, zéro tolérance. Esprit rebelle, franco-fier, toujours tenace. En blanc et vert, les poings en l'air, on assume notre place. Sur le chemin, ensemble malgré le petit pain. Venu de loin et encore persistant jusqu'à la fin. Pour le bien de notre héritage, défense nationale. Manifestation, action qui parle ici, on sait se battre. Le cœur sauvage, comme un soldat inoubliable. De nos océans à l'autre, présence incontestable. Ici nous sommes, impossible qu'on abandonne. Francophonie en ville, on vit au service francophone. Discrimination, ça fait des siècles que ça dure. Les temps sont déjà durs, inutiles sont vos coupures. Malgré le dos au mur, regarde vers le futur. Sachez qu'on existera car ça fait longtemps qu'on perdure. Chaque seconde, elle existe, l'inconscience. Entre chaque seconde, elle persiste, l'insouciance. Entre chaque seconde, je vois renaître mes désirs. Entre chaque seconde, je m'arrête et je respire. Faible d'esprit, l'infini, elle est là. Regard passager qui m'indiquera l'endroit. Entre chaque soupir, je dois reprendre mon élan. Entre chaque seconde, mon chemin je reprends. Je saisis le moment d'une seconde pour comprendre. sacrifice, la lutte acharnée du destin. Entre chaque seconde, on se remet en question. Entre chaque seconde, bouleversé de perception. Le week-end dernier, j'avais une petite mélodie dans la tête. Ben ça, c'était quoi? C'était tout simplement entre chaque seconde de M. Stéphane McNicol qu'on vient d'entendre. J'avais ça dans la tête quand je me suis levé l'autre matin. C'est vraiment une très bonne pièce. Tiré de son album solo en 2000, album éponyme, Stéphane McNicol, un artiste intègre, très sympathique, bien fun comme gars, très bon musicien aussi, et bête de scène par contre. Si vous allez voir un show de Stéphane McNicol, attendez-vous pas à voir quelqu'un devant un micro qui bouge pas, là. Non, non, McNicol, il déplace de l'air et c'est très agréable comme spectacle, oui. Donc, Stéphane McNicol, entre chaque seconde, c'est ce qui nous amène à notre bloc instrumental. On va entendre, entre autres, bord de scène, pas la scène comme de spectacle, mais la scène comme le fleuve à Paris. C'est parce que Christine Tassand et les Imposteurs, un groupe que je suis depuis les tout débuts de la formation, ou presque, ils sont sur la côte ouest du Canada pour faire quelques spectacles de ce côté-là. Et ils vont redescendre aussi du côté de la côte ouest des États-Unis, aller faire quelques spectacles. Donc, je suis bien content pour eux. C'est quatre bonnes musiciennes, deux guitares, contrebasse et violon. Et ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est magnifique. On va entendre aussi « Tu te laisses aller » de Marie-Véronique Bourque qui, elle est revenue à la maison en Saskatchewan. Elle a passé quelque temps du côté d'Oxford au Royaume-Uni, au studio Evolution Studio. Elle faisait la flûte traversière pour l'album de William Cox, son premier album. Elle est bien contente d'être de retour. Mais avant tout ça, c'est un gars de chez nous, Louis Lefebvre, avec bien marqué, une petite Chicago Blues. Mm-hmm. Thank you.